Chapitre 11e. Pourquoi fit-elle cela ? Le domestique de Pensefort arriva de bonne heure à l'abbaye dans l'après-midi du 24 et se joignit à un thé qu'on prenait en commun dans la chambre de la femme de charge, après avoir rangé les affaires de son maître dans la jolie chambre bleue. George en personne traversa le parc à la tombée de la brune et fut introduit dans la retraite de Sir Gaspard, juste au moment où celui-ci s'apprêtait à faire sa sieste avant le dîner. Le baronnet se leva avec une exclamation de plaisir et serra très cordialement la main de son visiteur. « Je suis très flatté que vous ayez tenu votre promesse, mon cher Pensefort, » dit-il, « car je commençais à penser que vous vouliez vous venger de l'ennui que vous aviez éprouvé dans notre maison, en nous manquant de paroles. Vous serez récompensé en trouvant quelque changement parmi nous, sous la forme d'une veuve qui arrive de Hombourg. Non, je dois le dire en passant, sa dernière résidence était une villa à Passy, et qui nous égaye par sa vivacité. Quelle animation inépuisable! Elle appartient à cette espèce de femme qu'on a vue dans une demi-douzaine de comédies du temps des paniers et de la poudre. C'est une femme qui vous tape en badinant avec son éventail et jure que vous êtes extrêmement agréable. Une charmante créature pour lui faire la cour si vous savez vous tenir sous vos gardes. Mais une créature qui obtiendra d'un homme à esprit faible une demande en mariage et un établissement princier avant qu'il sache où il en est. Cependant, après avoir joui de la société des lions sur les bords du Niger et de celle des crocodiles qui rampent sur les rives pleines de gens du Nil, je serais porté à croire que vous devez être un parti pour une veuve. Je n'ai pas peur de courir aucun péril en m'exposant aux fascinations d'une femme, quelque charmante qu'elle puisse être, répondit Pensefort avec un grave sourire. Mais j'ai une telle aversion pour les figures étrangères que je suis réellement disposé à réclamer votre pardon, Sir Gaspard, et à vous demander permission de différer ma visite jusqu'à ce que votre fascinatrice invitée soit partie. J'ai été si heureux ici cet automne. Plus heureux que je ne puisse être quand le tranquille charme qui s'empare de mon cœur est rompu par la présence d'une personne étrangère. Il parlait presque tristement. Il regardait tout autour de cette pièce sombre. Une tendresse pensive errait dans ses yeux noirs. « J'étais si vraiment heureux ici, » répéta-t-il tout bas, « si véritablement heureux. » Sir Gaspard se tourna rapidement vers son locataire avec un geste d'impatience. « Vraie bêtise, mon cher monsieur Pensefort, » s'écria-t-il. Vous venez me dire que vous avez l'intention de fuir ma maison parce que j'étais envahi par une futile veuve raccrochée à Hombourg. S'il y a dans le monde une chose qui s'appelle amitié, je pense réellement que c'est le sentiment que j'éprouve pour vous. Ne me fuyez pas sous le prétexte de la société d'une veuve trop parée. Votre compagnie a plus fait pour exorciser les funèbres fantômes du passé que je ne pensais qu'il fût au pouvoir d'aucun mortel. Passez la journée de demain avec moi, et si le soir venu, vous trouvez que vous avez été assommé d'une manière intolérable, vous en irez le lendemain matin. Vous êtes trop bon, Sir Gaspard. Votre amitié me flatte autant qu'elle me plaît. J'aimerais la rester. L'atmosphère seule de cette pièce a presque un effet magique sur moi, car c'est là que j'ai vu luire pour la première fois un foyer après 15 ans de solitude sans abri. Cela m'a produit l'effet que la première ligne bleue, encore obscure d'un rivage anglais, doit produire un voyageur qui a passé la moitié de sa vie aux antipodes. Oui, j'aurais beaucoup aimé à rester. Mais pour être franc avec vous, j'éprouve non seulement de l'ennui à me trouver avec des étrangers, mais quelque chose de plus que cela. Un sentiment qui va jusqu'à la terreur de rencontrer quelqu'un qui, au plus petit degré que ce soit, était mêlé à ma vie passée. Il y a 15 ans, je vivais à Londres, et je connais beaucoup de monde, et une de mes raisons pour éviter toute société et mon horreur de rencontrer quelques-unes de mes anciennes connaissances. Un tel discours venant d'un homme dont le passé était tout à fait inconnu à son hôte aurait pu éveiller de vagues craintes dans l'esprit d'une personne soupçonneuse. Mais Sir Gaspard n'était ni méfiant ni curieux. Il n'avait aucun de ces vices bas qui attirent quantité d'ennuis sur leurs victimes. Ses vices et ses vertus étaient également d'un genre négatif. Johnson affirmait que la croyance d'une existence future est la seule chose qui puisse empêcher un homme de couper la gorge à son voisin pour l'envie de remplir sa propre poche. Mais il y avait plusieurs raisons qui auraient empêché Sir Gaspard d'augmenter sa fortune en assassinant ses semblables, en outre de l'argument sensible de l'aigre Beauclerc, qui dit que l'homme, qui n'a pas foi dans l'immortalité de l'âme, peut avoir une croyance très implicite en l'existence du bourreau. Un meurtre, quelque adroitement qu'il soit exécuté, est un crime suivi d'inconvénients incalculables. Une réunion de circonstances pouvait se rencontrer dans laquelle Sir Gaspard aurait pu voir commettre un meurtre. Mais jamais dans aucune phase d'événement possible, le baronnet ne l'aurait commis lui-même. Il était disciple de Voltaire depuis son adolescence. Il avait contemplé les étoiles et les avait admirées avec la sensuelle admiration d'un sardanapale, et il avait rarement perdu l'occasion d'insulter leur puissant créateur par quelques plaisanteries à demi cachées. Mais il n'avait jamais, dans toute sa vie, fait une action mauvaise, principalement parce qu'il savait très bien que toute faute attire le trouble et l'ennui sur celui qui la commet. « Je comprends que vous désiriez ne pas revenir sur le passé, dit-il, mais à moins que vous ne connaissiez Madame Harding, je ne vois pas en quoi sa présence peut vous contrarier. »« Harding, répéta Pauncefort, non, c'est un nom assez commun. Mais je ne pense pas avoir jamais connu personne du nom de Harding. Très bien alors. Naturellement, dans ce cas, vous consentez à rester. Le désirez-vous réellement, de tout mon cœur. » « Et moi aussi, monsieur Pauncefort, dit une agréable voix. » En levant les yeux avec étonnement, le locataire de Sir Gaspard vit Marcia arrêté sur le seuil de la porte. Il traversa la chambre à la hâte pour aller à sa rencontre, tandis qu'elle s'avançait vers lui. Elle lui tendit la main. En la regardant à la lueur du foyer, il pensa que sa pâle beauté avait quelque chose de la charmante blancheur des lys qu'il avait vue dans cette merveilleuse région située entre le Tigre et l'Euphrate, et que les voyageurs regardent follement comme le véritable Éden. « J'espère que vous ne voulez pas nous quitter, monsieur Pauncefort, dit Marcia. Je suis sûr que vous ne le désireriez pas, si vous saviez combien papa et moi avons entendu la visite que vous nous aviez promise. « Ah !» pensa le locataire de Sir Gaspard. « Elle ne me dirait pas cela, si elle ne me trouvait assez vieux pour être son grand-père. « Vous trouverez que Madame Harding est une personne très agréable, » continua Marcia. « Et si vous aimez la musique, comme je n'en doute pas, nous pourrons vous distraire. »« Oh !» dit Pauncefort. « Madame Harding est donc musicienne. »« Oui, parfaite musicienne. » Elle a une très belle voix. Quoi, vous me regardez comme si c'était une objection? Diogène a-t-il quelque chose contre la musique? Peut-être Diogène a-t-il quelques souvenirs désagréables qui s'y rattachent, mademoiselle Denison. Quant à moi, j'aime beaucoup la musique. Mais il y a une certaine musique de piano dont les sons me ramènent à la partie la plus triste de ma vie. J'ai connu autrefois une dame qui portait une robe bleue le soir où on lui rapporta au logis son mari qui venait de se tuer en tombant de cheval. Depuis, elle n'a pu jamais supporter la vue de cette couleur, quoiqu'elle se remariât et fût l'heureuse mère de charmants enfants. Malgré tout, je ne suis pas tout à fait aussi sensible que cette dame, et je serais très heureux d'entendre autant de musique que vous et votre ami voudraient bien m'en faire. Voulez-vous venir que je vous présente à elle? Je viens de la quitter et je dois retourner près d'elle immédiatement. Nous avons l'une et l'autre été occupées dans notre appartement toute la journée, et c'est à peine si je l'ai vue depuis le déjeuner. Je serai heureux de vous accompagner. Et vous allez faire un petit somme, je suppose, papa, avant de vous habiller? M'habiller pour dîner? S'écria Sir Gaspard. Combien les usages de la civilisation sont impénétrables. Ma robe de chambre de velours est belle, et c'est en même temps un vêtement pittoresque, qui a des lignes faciles et flottantes, et une agréable variété d'ombre et de lumière. Tandis que mon habit à queue d'hirondelle, de notre côté, est râpé, coupé à l'ancienne mode et disgracieux. Et cependant, si je dînais en robe de chambre, la veuve se considérerait comme offensée. Au revoir, mon cher Pauncefort. Allez, et soyez fasciné, tandis que je vais faire un petit somme réparateur et reposer mon intelligence fatiguée pour la discussion de ce soir. On n'avait pas encore apporté les lampes dans le salon jaune quand Marcia et Pauncefort entrèrent dans cette pièce. Il n'y a qu'un barbare qui se presse jamais de mettre fin au doux crépuscule d'hiver, dans une chambre brillamment meublée, éclairée par la flamme vacillante du feu. Madame Harding était debout à l'une des croisées, le coude posé sur l'enroulement sculpté du dossier d'un grand fauteuil et la figure tournée vers le paysage sombre. Elle tournait la tête quand Martial et son compagnon entrèrent, mais en restant encore dans la profonde embrasure de la croisée, à demi cachée par l'ombre de volumineux rideaux. Le locataire de Sir Gaspard vit seulement les contours d'un admirable visage et les reflets d'un rouge chaud, d'une robe de soie violette, miroitant çà et là à la clarté du feu. « Blanche, » dit Marcia, « je vous amène M. Pauncefort, le locataire du petit ermitage romantique que vous avez tant admiré hier dans notre promenade à travers le bois. » « Alors je suis sûr que je serai enchanté de le voir, » s'écria la veuve, « car selon moi, nul autre qu'un homme ayant les yeux d'un peintre et l'âme d'un poète n'aimerait à se retirer dans un si charmant endroit. Je dois avouer que j'ai des dispositions semblables, et je veux serrer la main de votre ami et l'assurer de toute ma sympathie, Marcia. » C'était une sombre figure préoccupée qui regardait au dehors le ciel d'hiver qui s'obscurcissait. Mais lorsque Blanche sortit de l'ombre toute souriante pour tendre la main au compagnon de Mademoiselle Denison, elle parlait de la manière la plus enjouée. Il y avait une légère teinte de protection dans son ton. La veuve était une femme du monde, et elle avait conclu qu'un homme qui consentait à s'enterrer dans la sombre retraite des bois de Scarsdale devait non seulement avoir l'âme d'un poète et les yeux d'un peintre, mais un revenu limité qui ne lui permettait pas de vivre autre part. Elle sortit en souriant de l'obscurité. La queue soyeuse de sa robe d'un violet foncé dans l'ombre et du rouge le plus éclatant à la lumière traînait après elle et faisait l'effet des ondulations d'un beau serpent. Et au moment où elle s'arrêta à une petite distance du locataire de Sir Gaspard, sa main tendue attendant qu'il la lui prît et sa belle tête levée avec une bienveillance toute royale, la capricieuse lueur du foyer, qui en folâtrant sur les tableaux et sur les murs, leur jouait toutes sortes de mauvais tours et faisait paraître par instants la peinture d'Etty absurde et les couleurs de Turner ridicule, devint tout à coup brillante et vint éclairer la figure de George Pauncefort. Madame Harding tressaillit et laissa tomber lourdement la main qu'elle lui tendait sur une petite table dorée, légère, chargée de fragiles bibelots, qui tomba avec fracas sous le poids de la main de Blanche. Le locataire de Sir Gaspard resta immobile comme une statue, regardant la veuve en plein visage. Marcia promenait ses yeux de l'un à l'autre avec étonnement. Était-ce une reconnaissance, une surprise ou quoi? « Il n'y a rien de si extraordinaire que les illusions créées par la lumière d'un feu de bois, » s'écria Madame Harding en se retournant vers Marcia. « La figure de M. Pauncefort me faisait tout à l'heure absolument l'effet de celle d'un homme mort depuis plus de 10 ans. » Et cependant, je suis certaine que lorsqu'on apportera les lampes, je ne trouverai aucune ressemblance entre l'ami de votre papa et la personne qu'il m'a si terriblement rappelée. » La veuve frissonna. Ce fut un petit frisson qui fit entrer en scène ses belles épaules tombantes, et alors elle exhala un faible et languissant soupir qui exprimait un intense soulagement. « Oh, voici les lampes, et je vois que j'avais tout à fait raison. » M. Pauncefort ne ressemble en rien au pauvre mort. « Oh, ma chère Marcia, je crains réellement d'avoir brisé quelques-unes de vos jolies porcelaines de Saxe. Cette charmante coupe avec son couvercle. Est-ce bien son couvercle? Oui, il l'a échappé belle, mon amour. J'en suis tout heureuse. Il a une si charmante couleur. Un Augustus Rex, et non un de ces objets modernes sans valeur, marqués de 2 épées croisées qu'on peut acheter partout dans le commerce. Je suis une créature si faible et si impressionnable, s'écria la veuve, qui était agenouillée par terre, pour examiner les tasses et les soucoupes tombées. Il y a des souvenirs qui... Non, je ne veux pas être sentimentale. Je vais m'habiller pour le dîner. Elle se releva et plaça gentiment la petite coupe et son couvercle parmi les tasses et les soucoupes pareilles, fit un gracieux petit salut, moitié à Mademoiselle Denison, moitié à Pauncefort, et quitta la chambre en glissant ses pieds sans faire de bruit, et sa longue robe de soie traînant après elle, toujours plus ou moins serpentine, dans ses splendides ondulations. « Êtes-vous très intime avec Madame Harding ?» demanda Pauncefort, pendant que Marcia s'asseyait près d'une table sur laquelle le domestique avait placé une lampe à abat-jour. « Oh non ! Je puis à peine dire que je suis intime avec elle. Je ne l'avais jamais vue jusqu'à l'année dernière, où je l'ai rencontrée à Hombourg. Papa l'aime beaucoup. Et vous, l'aimez-vous, mademoiselle Denison ? Je la trouve très jolie et très aimable. Exactement. Et cette réponse signifie-t-elle que vous ne l'aimez pas ? Réellement, monsieur Bronsford, je ne pense pas que vous ayez le droit de me faire une telle question et de tirer immédiatement aucune conclusion sur un tel sujet. Je ne suis pas une personne informée des amitiés soudaines. Je connais madame Harding depuis très peu de temps, mais elle est mon hôte et j'aurais pensé que ce fait en lui-même devait exclure toute question sur mon affection pour elle. Pardonnez-moi si j'ai violé la sainteté du pain et du sel. Il y eut une longue pause pendant laquelle Bronsford marcha de long en large dans la chambre, tandis que Marcia mettait quelques perles sur un morceau de soie, puis il fit quelques remarques insignifiantes sur lesquelles roulait la conversation. Mais cette conversation avait un ton contraint. Ce n'était plus du tout la facile causerie qui leur avait fait passer tant d'heures charmantes pendant l'automne qui venait de s'écouler. Marcia se demandait pourquoi il en était ainsi, et si l'explication de madame Harding sur sa soudaine émotion était bien la vérité, ou si ces deux personnes ne s'étaient pas connues et querellées dans quelque période éloignée de leur existence, et ne s'étaient pas quittées fâchées, pour se rencontrer par hasard ce soir même, ayant des sourires de convention sur leur figure, et une étrangère pour témoin de leur réunion. Sir Gaspard parut alors, ayant l'air d'un véritable patricien en habit très râpé. Et aussitôt après, madame Harding entra dans la chambre en faisant froufrou avec sa robe de moire antique verte et ses émeraudes cabochons. Ses épaules étaient couvertes d'une pèlerine de dentelle, mais ses bras potelés étaient nus depuis les coudes jusqu'en bas, et au milieu, entre le coude et le poignet de son bras gauche, elle portait une large bande de velours noir attachée si serrée qu'elle avait l'air d'entrer dans sa chair douce et blanche. Le locataire de Sir Gaspard la regarda seulement une fois, tandis qu'il s'était arrêté devant lui, éclairé en plein par la lumière de la lampe, et ses yeux se portèrent aussitôt sur le bracelet en velours de son bras gauche. Ce n'était pas une agréable soirée. Le dîner et les vins étaient excellents, mais il y avait une pesanteur d'esprit que tous les crus de la Côte d'Or n'auraient pas eu le pouvoir de dissiper. Pendant cette soirée, une tristesse lourde oppressait une personne de ce petit cercle, et par un subtil magnétisme, se communiquait peu à peu de l'une à l'autre. Madame Harding joua les cartes avec le baronnet, et elle oublia deux fois de marquer le roi. Elle chanta avec Marcia, mais elle fit un piteux fiasco de mesure dans le presto d'un duo de Norma. Il y avait quelque chose qui allait mal. Sir Gaspard bâillait au nez de son locataire, puis lui demandait quantité de pardon pour son alourdissement. Nous sommes quatre personnes très intelligentes, mais nous ne sommes pas à l'épreuve de l'influence de la saison des fêtes, dit le baronnet. Le 24 décembre est difficile à passer pour nous. Le peuple, les joyeux représentants des fêtes, sont endurcis à cela, par l'habitude de taper sur le dos des uns des autres, de replâtrer bruyamment de vieilles querelles, d'oublier tous les anciens griefs, de se mettre en transpiration désagréable en buvant des boissons épicées, et de lâcher des lazzis surannées dans la forme la plus vulgaire et la moins grammaticale. Paix sur la terre et bonne volonté parmi les hommes, dit l'hymne que les enfants des maisons de charité chantent demain. Lamentablement plate, soit dit en passant. Bien, c'est une jolie idée, et pourquoi en ferions-nous un sujet de querelle ? Paix sur la terre et bonne volonté parmi les hommes, dis-je. Marcia, chacun de nous semble avoir une trop petite coupe ce soir. Sonnez, ma chère, et ordonnez qu'on remplisse la grande dame Jeanne du vieil olivier de Bordeaux chaudement épicé, du Lafitte au cachet noir. Cela finira vers minuit, et par tout ce qu'il y a de joyeux, nous fêterons Noël comme le peuple dans les journaux illustrés, et notre toast sera paix et bonne volonté. Cher Sir Gaspard, quelle charmante idée, et combien j'aurais été heureuse de m'unir à vous pour la mener à bien, s'écria madame Harding en se levant du piano avec un air de fatigue. Mais j'ai un si terrible mal de tête qu'il faut réellement que je vous dise bonsoir immédiatement, et il me sera tout à fait impossible d'aller à l'église demain matin. Pour la seconde fois de la soirée, oui seulement pour la seconde fois, Bronsford regarda la veuve en face. Sa lèvre barbue s'agita un peu comme s'il eût voulu parler, mais il se retourna habilement, regarda le feu avec distraction et pendant quelque temps resta plongé dans les profondeurs de cet abîme. De façon ou d'autre, le Bordeaux au cachet noir ne fut pas débouché pendant la soirée et Sir Gaspard perdit l'occasion de soutenir le christianisme. Pendant que la grande horloge des écuries sonnait minuit avec un fort carillon qui se mêlait aux voix de quelques jeunes gens du village qui chantaient des Noëls sur la terrasse de l'abbaye, Blanche Harding était debout devant le feu de sa chambre, négligemment enveloppée dans sa robe de chambre, dont une manche était relevée jusqu'à l'épaule et soigneusement attachée avec une épingle. C'était son bras gauche qui était ainsi découvert, un bras blanc potelé sans une tache ni un défaut. La figure de la veuve avait une étrange expression, presque une expression de douleur. Et cependant, elle ne faisait que fixer le feu au milieu duquel elle avait enfoncé le bout du tisonnier. En ce moment, frissonnant des pieds à la tête, elle s'agenouilla sur le tapis du foyer et tira le tisonnier des charbons brûlants. Sa figure était horriblement décomposée lorsqu'elle saisit le milieu du tisonnier et on posa le bout rouge ardent en travers de son bras, à peu près entre le coude et le poignet, exactement où elle avait posé son bracelet de velours lorsqu'elle s'était habillée le même soir pour dîner.